Sur ah oui, mon cher Sébastien, t'as trois poussins sur... Ah. Là, il y avait un coq derrière. Tous mes compliments. Alors, fais-la correctement. Hein. Il y en a tellement. Il y a trois poussins sur un bar. Oui. Sur un bar. Oui, oui. Un bar. Oui, un bar. Tu en jettes non, deux. Non. Tu en veux que deux. Tu en veux deux. Tu en veux deux, carrément. Oui, oui. Tu n'en veux qu'un. Deux. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'en veux deux. Sur les trois, t'en veux sur que les trois, t'en veux que deux. D'accord. Que fais-tu? Alors, j'en tue un. Non. Bah vas-y, réponds. J'en jette un. Mais et en quoi elle est drôle là? En quoi elle est drôle? J'en jette un. Oui. Moi je m'en souviens plus. Non mais il s'est encore trompé, c'est pour ça. C'est pour non, ça que c'est drôle. T'as pas la réponse? J'en pousse un, imbécile. Mais quelle poule celui-là. Mais il n'y a pas question de se rappeler ou pas se rappeler, c'est logique. J'en jette un, c'est drôle. Je vais t'en jeter un dans la tronche, moi, tout à l'heure.